الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. La louange est à Dieu, Seigneur des univers. فلا راحم غيره. Nul miséricordieux à part lui. ولا رازق غيره. Et nul donateur de subsistance à part lui. ولا حامي غيره. Et nul protecteur à part lui. ولا ناصر غيره. Et nul ne peut apporter son soutien et sa victoire à part lui. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر على صبي لها. Le prophète, prière et salut sur lui, est passé à côté d'une femme qui pleurait devant une tombe pour un petit qu'elle a perdu, qu'elle est mort. فقال اتق الله واصبري. Le prophète, prière et salut sur lui, lui dit: crains pieusement Dieu et supporte, ça veut dire sa mort, avec patience. فقالت للنبي عليه الصلاة والسلام. Et elle a dit, cette femme a dit au prophète, prière et salut sur lui: إليك عني, éloigne-toi de moi. فإنك لم تصب بمصيبتي, parce que tu n'as pas subi mon malheur. ولم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم. Elle ne connaissait pas le prophète, prière et salut sur lui. فقيل لها إنه النبي عليه الصلاة والسلام. On lui dit: c'est le prophète, prière et salut sur lui. فأتت باب النبي عليه الصلاة والسلام. Elle est venue vers la porte du prophète, prière et salut sur lui. وقالت, et elle a dit: لم أعرفك, je ne t'ai pas reconnu. فقال عليه الصلاة والسلام, et il lui a dit: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. La patience n'est que celle lors du premier choc. Muttafaqun alayh, unanimement authentique. Bima'na al-sabr alladhi yuhibbuhu Allah, ça veut dire la patience aimée par Dieu subhanahu wa ta'ala. Wa yu'ti alayhi al-jaza' al-kabir, et la patience pour laquelle Dieu offre le grand salaire. Huwa 'inda bidayat al-musiba, cette patience c'est celle qui accompagne le début du malheur. عند الصدمة الأولى, lors du premier choc. أما مع مرور الأيام والشهور والأعوام, mais après le passage des jours, des semaines, des mois et des années, فكل الناس تصبر مكره. Tous les gens, avec le passage du temps, supportent, mais en étant contraints à le faire. ويتعودون على المصيبة, et tout le monde s'habitue avec le malheur, avec le passage du temps. أما الذي يتلقى المصيبة بالصبر منذ البداية, tandis que celui qui accueille le malheur dès le début avec patience, فإن الله يقول, Dieu dit: واصبروا إن الله مع الصابرين, patientez, Dieu est certes avec les gens patients. ويقول تعالى وتبارك, et il dit de la même manière: والله يحب الصابرين, Dieu aime les gens patients. ويقول سبحانه وتعالى, et il dit de la même manière: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب, seuls les patients reçoivent leur salaire pleinement et sans compter ou bien sans jugement. أخي أختي, frère, sœur, هل ستكون من الصابرين عند المصائب, vas-tu être parmi les gens qui s'arment par la patience lors ou devant les épreuves? وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين, et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. قال صلى الله عليه وسلم, il dit, prière et salut sur lui: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء, معنى كل ما يكون, كل ما تكون البلوى أو الابتلاء كبير وعظيم, كل ما يكون الأجر على هذا الصبر عظيم. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء, la grandeur de la récompense dépend de la grandeur de l'épreuve. Wa inna Allah ta'ala idha ahabba qawman ibtalahum, et quand Dieu aime des gens, il les éprouve. Faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sukht, celui qui affiche la satisfaction aura la pleine satisfaction, et celui qui affiche, ça veut dire devant l'épreuve de Dieu, celui qui affiche la colère aura la colère. Rawahu at-Tirmidhi wa Ibn Majah. وقال حديث حسن rapporté par l'imam al-Tirmidhi et l'imam Ibn Majah qui l'a authentifié. الابتلاء للمؤمن يساوي حب الله للمؤمن كما قلنا في الجمعة الماضية. Donc l'épreuve du croyant de la part de Dieu, l'épreuve de la part de Dieu pour un croyant est égale à l'amour de Dieu pour ce croyant. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adad nujumi sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nom des étoiles du ciel, wa rimal al-sahra, et au nom des sables du désert, wa awladi adama wa hawa, et au nom de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd, ayyuha al-ikhwat wa al-akhawat fi l'islam, après ceci mes frères, mes sœurs en islam, ahbab al-habib Muhammadin al-Mustafa, très cher au bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdalu salati wa salam, pour lequel on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations. Kathiran ma nara mu'minin ghariqin fil ibtila ou fil ibtilaat. Souvent, on voit à droite ou à gauche des croyants noyés dans des épreuves. Hada mata abu ou ummu ou zawjatu ou waladu. Celui-ci, par exemple, a perdu son père, ou bien sa mère, sa femme, ou son enfant. Et celle-ci, ou bien une autre, a été répudiée par son mari. Et l'autre souffre d'une maladie durable, incurable. Et l'autre a été licencié de son travail. Et un autre, il est pauvre, il ne trouve pas de quoi se nourrir. وهذه أرملة أم للأيتام, et l'autre est une veuve, mère des orphelins, إلى آخره, etc. وكما يبتلي الله المؤمنين يبتلي كذلك الدول. Et comme Dieu éprouve les croyants de la même manière, il éprouve les pays ou bien les états. زلازل, des tremblements de terre. Fayadanat, des inondations. Awasif, des tempêtes. Jafaf, une sécheresse. Huroub, des guerres. Al-khawf, wa adam al-amn, la peur, la panique et l'insécurité. Amrad, des maladies. Kama ra'ayna fi sinin al-madiya, al-baqara al-hamqa wa ghayraha. Des maladies, faqr, la pauvreté, hisar, un blocus ou des sièges, il a akhiri, etc. Wa hunaka al-mu'min aw ad-dawla allati ta'tiha al-masa'ib mutatabi'a. Et il y a le croyant ou l'état, c'est-à-dire le pays, qui subit les épreuves ou une suite d'épreuves. Ibtila wara ibtila, épreuve suivie d'une autre. كل هذه الابتلاءات تذكرنا لما نراها ببداية الإسلام. Toutes ces épreuves nous rappellent le début de l'islam. وبسرعة كبيرة, et en grande vitesse, أسافر بكم إلى مكة, je vous fais voyager vers la Mecque. وقد عذب المشركون المسلمين, et les associateurs ont torturé les musulmans. وعذب الرسول صلى الله عليه وسلم, et on a même torturé le messager de Dieu, prière et salut sur lui. ومات بعض الصحابة رضوان الله عليهم من الرجال ومن النساء تحت العذاب. Et il y avait des musulmans, hommes ou femmes, qui ont quitté ce monde sous le poids de la torture. ذنبهم هو الإسلام. Leur péché unique était l'islam. Et لم يدم ثلاث أسابيع كما هو الشأن الآن في غزة منذ ثلاث أسابيع والعذاب ينزل على أهل غزة. Ce massacre ou ce châtiment, cette torture n'a pas duré à l'époque du prophète prière et sacrifice trois semaines, comme ce qu'on voit maintenant l'état des gens de Gaza. Mais la torture a duré pendant 10 ans. D'abord, ou l'islam, leur péché était l'islam. Limad akhtaru l'islam, pourquoi ont-ils choisi l'islam? Lam takun hunaka hurriyatul mu'taqad. À l'époque, il n'y avait pas la liberté de croyance. Kanat al-qa'ida imma an tatruk al-islam wa imma an tu'addab. La règle à l'époque était soit tu abandonnes l'islam, soit la torture jusqu'à la mort parfois. ووصلت درجة العذاب إلى حد لا يطاق. Et l'état de torture a atteint un point insupportable. وذهب الصحابة رضوان الله عليهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et lorsque la torture est devenue insupportable, les compagnons, que Dieu soit satisfait d'eux, sont partis pour voir le prophète, prière et sage sur lui. وهو في ظل الكعبة. Il était assis à l'ombre de la Kaaba. فَقَالُوا لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. On lui dit, ô messager de Dieu, أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا. Ne demandes-tu pas pour nous la victoire? أَلَا تَدْعُ لَنَا. Ne fais-tu pas pour nous des invocations et des prières? فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَكَأَنَّنَا نَعِيشُ اللَّحْظَةِ. Comme si on vit ce qu'on voit aujourd'hui. فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Et comme si le prophète prière et saïd sur lui parle avec les gens de Gaza maintenant. وَكَأَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُعْطِ الْجَوَابِ لِأَصْحَابِهِ وَيُعْطِ الْجَوَابِ لِكُلِّ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ بَعْدِهِ وَفِيهِمْ أَهْلُ غَزَّ الْيَوْمِ. قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Il leur a dit prière et saïd sur lui, قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ. Il y avait parmi les gens qui vous ont précédé, يُؤْخَذُ الرَّجُلُ. On prenait l'homme, فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ. Et on lui faisait un trou dans le sol, فَيُجْعَلُ فِيهَا. Et on l'y mettait, فَيُجَعُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ. Et on apportait une scie, et on la mettait sur sa tête, وَهُوَ حَيٌّ يَنْظُرُ. Il était vivant, sans anesthésie. حَيٌّ يَنْظُرُ. Il était... فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ. Et on le coupait en deux. وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ. Et on le cardait avec des peignes d'acier. مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ. On peignait entre la chair et l'os. مَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ. Et tout cela ne le faisait pas abandonner sa religion d'islam. وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ. Mais vous vous impatientez. رواه الإمام البخاري rapporté par l'imam al-Bukhari. الصحابة رضوان الله عليهم وقد عذبوا. Les compagnons qui furent persécutés, torturés, venaient vers le messager de Dieu. يأتون عند النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون النصر. Et ils lui demandaient la victoire. يطلبون الدعاء. Ils lui demandaient la prière. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو. Et le prophète, prière et saint sur lui, n'a fait aucune prière. La yaf'al ma talabou, le prophète, prière et saint sur lui, n'a pas fait ce que ses amis lui ont demandé. بل يتكلم لهم عن عذاب الرسل والمؤمنين السابقين. Mais plutôt, il leur parlait de la torture ou du châtiment subi par les messagers et les croyants qui les ont précédés. عذاب أكبر من عذابهم. Une torture qui dépasse de loin leur torture. وليشجعهم على مزيد من الصبر. Et afin de les encourager à plus de patience. هذا هو أدب النبي صلى الله عليه وسلم تجاه ربه. Telle était la politesse ou le respect du prophète, prière et saint-Jurui, à l'égard de son Seigneur. بمعنى إذا جاءتك مصيبة. Ceci signifie lorsque tu subi une épreuve, un malheur, fanzur ila man indahu musibatun akbar min musibatik. Regarde en même temps celui qui a subi un malheur qui dépasse le tien. فهذا يجعلك تحمد الله وتصبر. Ceci va te pousser à remercier Dieu et à proclamer sa louange et à supporter l'épreuve avec patience. قال الله تعالى للمؤمنين في آية قرآنية. Dieu dit aux croyants dans un verset coranique: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. Avez-vous donc estimé que vous alliez entrer au paradis sans qu'il vous arrive la même chose que vos prédécesseurs? Ils furent en fait touchés par les calamités et la misère, et ils furent tellement ébranlés que le messager et ceux qui avaient cru avec lui dirent: quand donc viendra le soutien de Dieu pour notre victoire? Inna nasrallahi qarib, le soutien de Dieu est certainement tout proche. Kana ar-rasul fi al-umam as-sabiqa ma'a shiddati yaqinihi billah yaqul amama qaswati al-'adab mata nasrullah. Le messager dans les nations précédentes, malgré sa grande certitude en Dieu subhanahu wa ta'ala, disait devant la dureté du châtiment: quand donc viendra le soutien de Dieu? وما اجمل جواب الله. Et quelle a été belle la réponse de Dieu dans le verset qui suit: ala inna nasr Allah qarib, le soutien de Dieu est certainement tout proche. هذه الآية مدنية. Ce verset est un verset médinois. نزلت بعد الهجرة. Ça veut dire a été révélé après l'hégire. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف هذه الآية لما أتاه أصحابه رضوان الله عليهم بمكة. Ça veut dire le messager de Dieu ne connaissait pas ce verset. Lorsque dans la Mecque ses compagnons sont venus pour le voir, وطلبوا منه الدعاء بالنصر, et lui ont demandé une invocation pour le soutien de Dieu ou la victoire. ولكنه رغم ذلك لم يفعل صلى الله عليه وسلم كما فعل الرسل من قبله الذين قالوا متى نصر الله. Et malgré qu'il ne connaissait pas ce verset, il n'a pas dit prière et salut sur lui comme ce qu'ont dit les messagers avant lui: quand viendra donc la victoire de Dieu. بل أمر أصحابه بالصبر. Plutôt il a ordonné la patience à ses amis. أيها الإخوة والأخوات, قال تعالى, Dieu le Très-Haut dit dans un verset: ألا إن نصر الله قريب, le soutien de Dieu est certainement tout proche. وأتساءل متى يأتي نصر الله القريب, et je m'interroge: quand viendra-t-il le soutien tout proche de Dieu? يجيب الله تعالى عن هذا السؤال, c'est Dieu même qui répond à cette question: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. Jusqu'à ce que les messagers faillirent perdre espoir et eurent pensé qu'ils étaient démentis, c'est alors que notre victoire vint à leur secours. يأس الرسل من إيمان قومهم أو من النصر. Ça veut dire les messagers avaient presque le désespoir, soit de la foi ou de la croyance de leur peuple, ou bien de la victoire. Bimana nasrullah yati ind al-yas. Ça veut dire, par là on peut comprendre que le soutien de Dieu arrive ou vient lors du moment du désespoir. Nasrullah yati ba'da tul al-'adab. Ça veut dire la victoire ou le soutien de Dieu arrive après une longue ou un long châtiment. Nasrullah ya'ti ba'da tul sabr. Le soutien de Dieu arrive ou vient après une longue patience. Nasrullah ya'ti بعدما يعرف المسلمون يقينا أن النصر لا يأتي إلا من عند الله. La victoire ou le soutien de Dieu n'arrive que lorsque les musulmans avec certitude vont connaître que le soutien véridique ne peut venir que de la part de Dieu. La yati la min al-sharq wa la min al-gharb. Ça veut dire le jour où les musulmans vont comprendre que le soutien ne peut pas venir ni de l'Orient ni de l'Occident. Fatalama nadhunnu anna al-makhluqat tansur. Tant qu'on imagine ou on croit que les créatures peuvent apporter leur soutien, لن يأتي النصر الإلهي, le soutien divin n'arrivera pas. نصر الله لا يأتي حتى نرى المؤمنين الصادقين الصابرين. Le soutien de Dieu n'arrive que lorsqu'on va voir les vrais croyants sincères, patients, ونرى المسلمين المنافقين الذين يتركون الإسلام ويساومون في أمور الإسلام. La victoire de Dieu n'arrive que lorsque ou que après qu'on voit les musulmans sincères et les hypocrites qui vont abandonner l'islam. قال تعالى, Dieu dit dans un verset coranique, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Les gens ont-ils pensé qu'on les laisserait dire qu'ils ont cru sans qu'ils ne soient soumis à l'épreuve? ولقد فتن الذين من قبلهم. Nous avons effectivement éprouvé leurs prédécesseurs. فليعلمن الله الذين صدقوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Et Dieu saura assurément ceux qui sont véridiques et il saura certainement les menteurs. هَذِهِ هِيَ سُنَّةَ اللَّهِ. Telle est la loi ou la règle de Dieu. فِي الْمَاضِي وَالْحَاضِرْ وَالْمُسْتَقْبَلْ. Cette règle est valable dans le passé, le présent ou le futur. La budda li kulli mu'minin min al-ibtila'i wal-imtihan. Il est nécessaire pour chaque croyant de subir des épreuves, des tests. Wa ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya', thumma al-ulama', thumma as-salihun ila akhirih. Et les gens qui subissent les plus grandes épreuves sont les prophètes, suivis par les savants, suivis par les vertueux, etc. كما رواه ابن ماجه وغيره, comme ce qui a été rapporté par Ibn Majah et par d'autres. وعلى قدر الإيمان يكون البلاء. Et l'épreuve arrive proportionnellement au niveau de la foi. فلما ابتلى الله المؤمنين بمكة. Lorsque Dieu a éprouvé les croyants de la Mecque, بأنواع العذاب, par plusieurs sortes de châtiments, أنزل الله على النبي عليه الصلاة والسلام سورة البروج. En cette période-là, le Dieu subhanahu wa ta'ala a révélé à son prophète le chapitre de l'Buruj, ça veut dire les signes du zodiaque, allati tatakallam an ashab al-ukhdud, ce chapitre qui décrivait l'état des gens à la fosse, hadhihi al-jarima allati waqa'at bil Yaman, ce crime qui a eu lieu dans l'histoire au Yémen, li tusalli al-muslimin, afin de soulager les musulmans, wa tukhaffifa anhum, wa haka jama'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ashabahu hawla. Le prophète prière et ça sur lui a réuni ses amis autour de lui, wa haka lahum al-qissa, et il leur a raconté cette histoire. Yaqul Suhayb رضي الله عنه صهيب que Dieu soit satisfait de lui dit أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Comme quoi le messager de Dieu, prière et sage lui, a dit كان ملك في من كان قبلكم. Il y avait un roi parmi les gens qui vous ont précédé. وكان له ساحر فلما كبر الساحر. Le roi avait un sorcier et lorsque ce sorcier est devenu vieux, قال للملك, il dit au roi, Inni qad kabirt, je suis devenu vieux ou j'ai vieilli. Fab'ath ilayya ghulaman u'allimuhu as-sihr. Donne-moi, envoie-moi un jeune auquel je vais enseigner la sorcellerie. Fab'ath ilayhi ghulaman, le roi lui a envoyé un jeune, yu'allimuhu, pour l'enseigner. وكان في طريقه راهب. et dans le chemin du jeûne, il y avait un moine. فقعد إليه فسمع كلامه فأعجبه. Et le jeune a entendu les paroles du moine et il a apprécié ses paroles. وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه. Et dans son chemin vers le sorcier, il passait toujours par le moine et apprenait auprès du moine. فإذا أتى الساحر ضربه. Et lorsqu'il arrivait chez le sorcier, celui-ci le frappait. فَشَكَ ذَلِكَ إِلَى الرَّاهِبِ. Le jeune s'est plaint au moine. فَقَالَ إِذَا خَشِيتَ السَّاحِرِ فَقُلْ حَبَسَنِي أَهْلِي. Le moine lui dit, si tu as peur du sorcier, dis-lui, ce sont ma famille ou mes proches qui m'ont retardé. وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ. Et si tu as peur de ta famille, فَقُلْ حَبَسَنِي السَّاحِرِ. Dis-leur que c'est le sorcier qui m'a retardé. فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ. Et le jeune a continué ainsi. إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسِ. Un jour, il a rencontré dans son chemin une énorme bête qui a empêché les gens de circuler. فَقَالَ الْيَوْمَ أَعْلَمُ. Le jeune a dit, aujourd'hui je vais savoir. السَّاحِرُ أَفْضَلُ أَمِ الرَّاهِبُ أَفْضَلُ. Aujourd'hui je vais savoir, est-ce que c'est le sorcier qui est meilleur ou bien le moine qui est meilleur? فأخذ حجرا, il a saisi une pierre, فقال, il a fait cette prière, اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. Ô Seigneur, si tu aimes le moine plus que le sorcier, tue cette énorme bête afin que les gens puissent circuler. فرماها, et il a jeté la pierre vers la bête. فقتلها, et il a tué grâce à Dieu la grande bête. ومضى الناس, et les gens ont pu circuler après cela. فأتى الراهب فأخبره. Le jeune est arrivé chez le moine et il l'a informé de son histoire. فقال له الراهب. Le moine lui dit, أي بني, ô mon cher fils, أنت اليوم أفضل مني. Aujourd'hui, tu es meilleur que moi. قد بلغ من أمرك ما أرى. فاق معلمه. Il a dépassé son maître. وإنك ستبتلى. Et certes, tu subiras une épreuve. بمعنى الإيمان دائما يؤدي إلى الابتلاء. Ceci signifie que toujours la foi mène vers l'épreuve. فإن ابتليت فلا تدل علي. En cas d'épreuve, s'il te plaît, ne m'indique pas, ne me montre pas au roi. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. Et le jeune arrivait à guérir l'aveugle, le lépreux, et guérissait les gens de tous les maux. أرأيتم إلى الإيمان. Avez-vous vu la grande foi? فسمع جليس الملك. جليس للملك, صاحب للملك, سمع وهو أعمى, سمع بخبر هذا الغلام فأتاه بهدايا كثيرة وقال له. Un proche du roi, un grand ami du roi qui était aveugle, a entendu l'histoire du jeune et il est venu avec beaucoup de cadeaux vers le jeune pour lui dire, ما ها هنا لك أجمع, tout ce que j'ai ramené est à toi, إن أنت شفيتني, dans le cas où tu me guéris. فقال إني لا أشفي. Le jeune lui dit, moi je ne guéris pas. إنما يشفي الله تعالى وتبارك. Mais plutôt c'est Dieu qui guérit. فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. Dans le cas où tu crois en Dieu سبحانه وتعالى, je vais invoquer Dieu pour qu'il te guérisse. انظروا إلى قيمة الدعاء. Regardez avec moi l'importance et la valeur de l'invocation. الدعاء. فآمن الأعمى بالله تعالى وتبارك. L'aveugle a cru en Dieu. فشفاه الله تعالى. Et Dieu l'a guéri. Il a retrouvé la vue. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس. Il est revenu vers le roi. Il est passé auprès du roi comme ce qu'il faisait auparavant. فقال له الملك من رد عليك بصرك. Le roi lui dit, mais qui t'a rendu la vue? قال ربي. Il a répondu, mon Seigneur. قال أولك رب غيري. Le roi lui dit, as-tu donc un Seigneur à part moi? As-tu un Dieu à part moi? قال ربي وربك الله. L'aveugle d'hier lui dit, mon Seigneur est le tien et Dieu. فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَدِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلَامِ. Le roi l'a saisi et l'a torturé jusqu'au point que l'aveugle d'hier a montré, a indiqué le jeûne. Comme quoi c'est le jeûne. فَجِئَ بِالْغُلَامِ. On a ramené le jeûne. فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ أَيْ بُنَيْ. Le roi lui dit, ô fils, بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِئُ بِهِ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَتَفْعَلُ مَا تَفْعَلُ. Tu as atteint un niveau de sorcellerie qui te permet de guérir l'aveugle, le lépreux et de faire ce que tu veux. فَقَالَ إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَدًا إِنَّمَا يَشْفِي اللَّهُ تَعَالَى وَتَبَارَكَ. Le jeune lui dit, moi je ne guéris personne, mais plutôt c'est Dieu qui guérit. فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَدِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ. Et le roi l'a saisi et l'a torturé jusqu'au point que ce dernier a indiqué le moine. فَجِئَ بِالرَّاهِبِ. Et on a ramené le moine. فَقِيلَ لَهُ. On lui dit, ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ. Abandonne ta foi chrétienne. فَأَبَى. Il a refusé. فَدَعَ الْمَلِكَ بِالْمِنْشَارِ. Le roi a demandé une scie. فَوُضِعَ الْمِنْشَارُ عَلَى مِفْرَقِ رَأْسِ الرَّاهِبِ. Et on a posé la scie au milieu de la tête du moine. فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّهُ. Et il l'a coupé en deux morceaux. ثُمَّ جِئَ بِالْغُلَامِ. Et après on a ramené le jeune. فَقِيلَ لَهُ. On lui dit, ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ. Au petit, abandonne ta religion chrétienne et adore à nouveau le roi, ça veut dire le Dieu. فَأَبَى. Le jeune a refusé. فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ. Le roi l'a donné à un groupe de ses soldats et leur dit, اِذْهَبُوا بِهِ إِلَى جَبَلْ كَذَا وَكَذَا. Faites-le monter à telle montagne. فَصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلِ فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذِرْوَتَهُ. Une fois vous êtes au sommet de la montagne, فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ. S'il se repent, s'il quitte sa religion, وَإِلَّا فَطْرَحُ. Sinon jetez-le. فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلِ. Ils l'ont pris, et une fois ils étaient sur le sommet de la montagne, قَالَ الشَّابُ. Le jeune dit, اللَّهُمَّ مَنْ يَمْنَعُهُ مِنَ الْكَلَامِ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى وَتَبَارَكَ. لَا أَحَدْ. اللَّهُمَّ كْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ. كَانَ يَدْعُوا اللَّهَ فَيَسْتَجِيبُ اللَّهُ لَهُ لِأَنَّهُ مُؤْمِنٌ صَادِقُ الْإِيمَانِ. نَحْنُ مِلْيَارٌ وَنِصْفٌ يَدْعُونَ اللَّهَ وَلَا يَسْتَجِيبُ اللَّهُ. أخاف أن نكون ضعفاء إيمان. اللهم اكفنيهم بما شئت. أو مون سينيور شارج توا دو سلون لا مانيير كو تو فو. فرجف الجبل اي لا مونتاني ا ترومبلي فسقطوا اي تو لو موند اي تومبي ا بار لو جون. وجاء يمشي الى الملك. Le jeune est revenu en marchant vers le roi. شجاع لم يهرب. Un grand courage, il n'a pas pris la fuite. Si c'était moi, je vais quitter le pays. فقال له الملك. Le roi lui dit, ما فعل أصحابه. Qu'ont-ils fait tes compagnons. فقال كفانيهم الله تعالى وتبارك. Le jeune répondit, Dieu s'est chargé d'eux. فدفعه إلى نفر من أصحابه. Il l'a donné à un autre groupe de soldats. فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور في سفينة. Prenez-le dans une barque. وتوسطوا به البحر. Et au milieu de la mer. فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِ. S'il renie sa religion, وَإِلَّا فَقْدِفُوا. Sinon jetez-le dans la mer. فَذَهَبُوا بِهِ فَقَالَ. Et lorsqu'ils étaient au milieu de la mer, تَكَلَّمَ. Le jeune a parlé avec Dieu pour lui dire, اللَّهُمَّ كْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتْ. Ô mon Seigneur, charge-toi d'eux de la manière que tu veux. فَانْكَفَأَتْ بِهِمُ السَّفِينَ فَغَرِقُوا. Et la barque s'est renversée et tout le monde a fini par être noyé à part le jeune. وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ. Il est revenu en marchant vers le roi. فَقَالَ لَهُ الْمَلِكِ. Le roi lui dit, مَا فَعَلَ أَصْحَابُ. Qu'ont-ils fait ceux qui t'ont accompagné. فَقَالَ كَفَانِيهِمُ اللَّهُ تَعَالَى. Le jeune répondit, c'est Dieu qui s'est chargé d'eux. فَقَالَ لِلْمَلِكِ. À ce moment-là, le jeune dit au roi, إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِ. Tu ne peux pas me donner la mort. Ce n'est pas toi qui tues. C'est Dieu subhanahu wa ta'ala qui donne la mort à qui il veut. Anta la tamliku la hayatan wala mautan wala nushura. أنت لن تستطيع أن تقتلني. الموت بيد الله. إنك لست قاتلي. Tu ne peux jamais me tuer. حتى تفعل ما أمرك به. Que lorsque tu fais ce que je te demande de faire. قال وما هو؟ Le roi impuissant lui dit, et qu'est-ce que je dois faire? قال تجمع الناس في صعيد واحد. Tu vas rassembler tous les gens dans un même lieu. وتصلبني على جذع. Et tu vas me crucifier sur un tronc d'arbre. ثم خذ سهما من كنانتي. Et après prends une flèche de mon carquois. ثم ضع السهم في كبد القوس. Et place la flèche dans l'arc. ثم قل بسم الله رب الغلام. Et par la suite tu dois prononcer cette phrase au nom de Dieu, au nom d'Allah, le Seigneur du jeûne. ثم ارمني. Et après vise moi et lance la flèche. فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. Dans ce cas-là, uniquement tu peux me tuer. فجمع الناس في صعيد واحد. Le roi a rassemblé son peuple dans un même lieu. كما فعل فرعون. Comme a fait Pharaon d'Égypte avant lui. وصلبه على جذع. Il a crucifié sur un tronc. ثم أخذ سهما من كنانتي. Il a saisi une flèche de son carquois. ثم وضع السهم في كبد القوس. Il a placé la flèche dans l'arc. ثم قال بسم الله رب الغلام. Et il a dit au nom d'Allah, le Seigneur de ce jeûne. ثم رماه. Et après il l'a visé et a lancé la flèche. فوقع السهم في صدر الغلام. Et la flèche a touché la tempe du jeûne. فوضع يده في صدره. فمات من حينه. Et le jeûne a touché avec sa main sa tempe et il décéda tout de suite. فقال الناس. Les gens ont dit آمنا برب الغلام. هذا ليس ربنا هذا. هذا الملك هذا الفرعون ليس بربنا. آمنا برب هذا الغلام وأصبحوا نصارى. Et le peuple, ou une grande partie du peuple, a dit, nous avons cru au seigneur de ce jeune. Ça veut dire, cet homme tyran n'est pas notre Dieu. فأتي الملك فقيل له. Et on a rapporté ça au roi. رأيت ما كنت تحضر. As-tu vu, ô grand roi, ce que tu redoutais dans le passé? قد آمن الناس. Les gens ont cru. فأمر بالأخدود بأفواه السكك بأفواه الشوارع فخدت. Il a demandé à ses soldats de creuser une grande fosse à l'entrée des rues. وأضرم فيها النيران. Et on a allumé les feux. وقال من لم يرجع عن دينه فأقحموه. Il leur a donné son grand ou son ordre suprême. Celui qui renie pas sa foi, jetez-le dans le feu. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها. Et les soldats ont fait ça. Ils ont jeté les hommes et les femmes dans le feu. Et lorsqu'il y avait le tour d'une femme accompagnée d'un bébé, فتقعست أن تقع فيه. Elle a hésité de se jeter dans le feu. فقال لها الغلام. Et le bébé dit, qui ne parlait pas, a parlé avec sa maman pour lui dire, Ya Umm, ô chère mère, espéri, supporte avec patience. فإنك على الحق. Parce que c'est toi qui as raison. قال الله تعالى. Dieu le Très-Haut dit, إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Ceux qui ont tourmenté les croyants et les croyantes pour leur faire renier leur foi et qui ne se sont pas par la suite revenus au droit chemin, ceux-là auront les tourments de l'enfer et ceux-là subiront le supplice du feu. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. Ce hadith a été rapporté par l'imam Muslim. ونلاحظ في هذه القصة. On remarque, mes frères et mes sœurs, dans cette histoire, أن كل النصارى 20,000 منهم ماتوا. Comme quoi, tous les chrétiens, les 20,000, ont préféré la mort. متشبتين بعقيدتهم, en gardant leur foi chrétienne. في المرة الماضية رأينا كيف أن الصحراء تمسكوا بدينهم وماتوا وهم مسلمين. Nous avons vu les sorciers qui ont gardé, qui n'ont pas abandonné leur foi et ils ont préféré mourir dans l'islam. واليوم نرى هؤلاء النصارى فعلوا كذلك. الصحراء آمنوا في الصباح إيمانهم يوم واحد ولم يغيروا دينهم. Les sorciers de Pharaon, la durée de leur foi était un jour. Ils ont cru le matin et ils n'ont pas changé leur religion, ils étaient morts le soir. Ces chrétiens, la durée de leur foi peut être une semaine entre le début de leur foi et leur mort. Et parmi nous, On n'a pas la durée de la foi d'un jour ou d'une semaine. On est musulman depuis 20 ans, 60 ans, 40 ans, et on change notre foi selon les circonstances. La hawla wa la quwwata illa billah. تعالى وتبارك وفي الأخير أوصيكم ونفسي بتقوى الله يا لفين je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété de Dieu أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى أصحابه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى أما بعد عباد الله après ceci serviteur de Dieu اليوم ثلاث أسابيع على بداية العدوان على إخواننا بغزة aujourd'hui s'accomplit 3 semaines depuis le début de l'agression contre nos frères de Gaza. Izdada adadu dhahaya, le nombre de victimes, bien sûr, a augmenté pendant la dernière semaine. Akthar min alf wa mi'at qatil min al-madaniyin, plus que 1100 morts parmi les civils. Wa akthar min 5200 جريح et plus que 5200 blessés graves. ليسوا من مقاتلي حماس, qui ne sont pas parmi les combattants de Hamas. ولكن من الشيوخ, mais parmi les vieillards, من النساء, parmi les femmes, من الأطفال, parmi les enfants. رأينا حتى من الحيوانات. Et nous avons vu même parmi les animaux, des vaches mortes, des chèvres mortes. Manazil dumirat, des maisons détruites, hatta al masajid, même les mosquées détruites, wal madaris, même les écoles, hatta al kulliyat, même les facultés, hatta al mustashfayat, même les hôpitaux, wa malaji al umam al muttahida, même les refuges de l'ONU, wa amakin al sahafa, même les lieux de la presse, wal musiba hatta al maqabir. Et même les cimetières. Joutat al-mauta, kharajat min al-maqabir. Les cadavres, les dépouilles mortelles des morts sont sortis de leur tombe à cause des bombardements. Lam yabqa hunaka shay'un muharram min taraf al-qanun al-dawli. Il n'y a plus aucune chose qui est interdite par la loi internationale ou les lois internationales. Al-kull mubah. أمام الطائرات والباخرات والدبابات. Tout est permis devant les avions, devant les bateaux et devant les chars. أقوى جيش في المنطقة أمام أضعف الشعب. L'armée la plus forte dans la région contre le faible, contre le peuple le plus faible dans la région. أحدث سلاح. Les armes les plus modernes. وفي بعض المرات سلاح محرم القنابل الفوسفورية البيضاء. Les armes les plus récentes, les plus modernes et parfois même interdites internationalement comme les bombes phosphoriques avec le phosphore blanc. أمام سلاح يدوي. Contre des armes artisanales. كل هذا يجري أمام العالم. Tout cela arrive devant le monde entier. والعالم بأجمعه لا يستطيع وقف العدوان. Et le monde entier n'arrive pas à arrêter l'agression. كل هذا يجري والعرب لم يستطيع الاجتماع لاختلافهم. Tout cela arrive 3 semaines de massacre et les Arabes, les États arabes n'arrivent pas à se réunir à cause de leur différence et à cause de leur différent. فإن لم يجتمعوا أمام هذه القضية, dans le cas où les Arabes n'arrivent pas à se réunir devant cette grande cause, فما الذي سيجمعهم من بعد, quelle autre grande affaire va les réunir par la suite. يا أهل غزة, aux gens de Gaza. In nasiyakum al-alam, si le monde vous a oublié. Ya ahl Gaza, in nasiyakum ikhwanukum, aux gens de Gaza, si vos frères vous ont oublié. Fa inna rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu lakum, le messager, prière et salut sur lui, vous dit sabran ya ahl Gaza. Patience aux gens, aux habitants de Gaza, votre rendez-vous est au paradis. Kama qalaha fi Mecca, comme exactement le prophète l'a dit dans la Mecque, li'a'ilat Yasir, à la famille de Yasser, lamma qala lahum wa ra'ahum tahta al-adab, lorsqu'il a vu cette famille sous le poids de la torture, et lui il était incapable de les aider, il leur a dit sabran ya ala Yasir, patience aux proches de Yasir, fa inna maw'idakum al-jannah, parce que le rendez-vous que je vous donne c'est au paradis. Wa inna Allah ta'ala wa tabaraka yaqulu lakum ya ahl Gaza, et Dieu le Très-Haut vous dit aux habitants de Gaza, ala inna nasr Allah qarib, man shakka fi hadha an-nasr fa huwa kafir. Ala inna nasr Allah qarib, le soutien de Dieu est certainement tout proche. Wa naqulu lakum ya ahl Gaza, et on vous dit aux habitants de Gaza, inna al-azma idha ishtaddat infarajat, la crise lorsqu'elle devient majeure, lorsqu'elle passe par un maximum, est suivie par le dénouement. Fa hani'an lakum bi sabrikum, félicitations à vous pour votre patience. Wa naqulu li ikhwanina wa akhawatina huna, et on dit à nos frères et sœurs d'ici, talama al-udwan mustamir ala Gaza, tant que l'agression est continue sur les habitants de Gaza, falnudawim ala arba'at ashiya, qu'on continue nous aussi à faire quatre choses. Al-oula, la première chose, al-huzn, le deuil. Fala farha wala lahu, nulle joie, nulle distraction pour nous. Talama ikhwanuna yuqattaloun, tant que nos frères et nos sœurs se font massacrer. Al-shay' al-thani, الدعاء الصادق المخلص, la deuxième chose, la prière véridique et sincère. واطلب من الاخوه الذين يستطيعون, et je demande à mes frères qui le peuvent, ان نصوم جميعا يوم الاثنين وان ندعو الله طول اليوم وان ندعو الله جميعا عند الافطار, ربما يستجيب الله دعاءنا. Je demande à tous mes frères et mes sœurs qui le peuvent de jeûner ce lundi et de faire de ce lundi une journée pour le soutien de Gaza, et qu'on fasse des prières à Dieu pendant toute la journée, et surtout avant la rupture du jeûne, peut-être Dieu va agréer ou va exaucer nos demandes. Thalithan, troisièmement, al-musa'ada al-maliya li ahli Gaza, l'aide financière aux gens de Gaza. Wa ashkurukum jami'an, et je vous remercie tous. فَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرَ الْجَزَاءِ, que Dieu vous accorde la meilleure récompense. فِي جُمُعَتَيْنِ, pendant deux vendredis, أَعْطَيْتُمْ مَا يُقَارِبْ 40,000 euros لِإِخْوَانِكُمْ, pendant deux vendredis, on a collecté dans cette mosquée en faveur des gens de Gaza à peu près 40,000 euros. وَإِمْرَأَ لَا زَالَتِ الدُّنْيَا بِخَيْرِ, il y a toujours le bien dans la nation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Imra'a fi al-usbu' al-madi a'tat hizamaha al-dhahabi li ahli Gaza. Dans le vendredi passé, une femme dans cette mosquée a donné sa ceinture en or qui vaut à peu près les 2000 euros à ses frères et sœurs à Gaza. Wa as'alu Allah ta'ala wa tabarak أن يعطي هذه المرأة أجر شهيد, et je demande à Dieu le Très-Haut de donner à cette femme contre sa ceinture en or, de lui donner le salaire d'un martyr. والشيء الرابع والأخير, la quatrième et dernière chose, المظاهرات السلمية الصامتة, les manifestations pacifiques et silencieuses, صمت يعرب عن الغضب, un silence qui exprime la grande colère. Wa fil akhir, أذكر بأن لا نستورد أحداث غزة إلى فرنسا. Et à la fin, je rappelle qu'on ne doit pas importer les événements de Gaza en France. فالمسلم لا يعتدي على دور العبادة ولو في ميدان الحرب فما بالك في ميدان السلم. Le musulman normalement n'agresse pas les lieux d'adoration comme les synagogues ou autres, même en temps de guerre, même sur le champ de la bataille, il n'a pas le droit de faire ça. Que dire en France où il n'y a pas la guerre ? أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. اللهم إني داع فأمنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب يا من لا إله إلا أنت، يا عزيز، يا جبار، يا قوي، يا منتقم، يا الله، نسألك في هذا اليوم العظيم الذي تحب، من هذا المكان العظيم الذي تحب أن تستجيب دعاءنا. يا رب أتيناك تائبين، أتيناك طاهرين لصلاة الجمعة، اللهم استجب دعاءنا. يا رب إننا نعرف بأن نصرك قريب كما قلت، ألا إن نصر الله قريب. اللهم عجل بنصرك، اللهم قربه أكثر من قربه، اللهم ائت بنصرك. يا رب يا من لا إله إلا أنت، كل ما يجري في غزة بعلمك، إنك ترى وتسمع فأنت السميع البصير. يا رب وإنك على كل شيء قدير، وإننا نرى ونسمع ولسنا بقادرين. يا رب كل شيء جرى بحكمتك. يا رب إنك قلت لحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد سبقت رحمتي غضبي. يا رب رحمتك سبقت غضبك. يا رب اجعل اليوم رحمتك تسبق حكمتك. يا رب ارحم أهل غزة. يا رب أوقف المذابح والمجازر في غزة. يا رب ارفع بأس الحرب عن إخواننا في غزة. يا رب رد السلام والأمن إلى أهل غزة. يا رب لا إله إلا أنت، لا حامي إلا أنت، لا ناصر إلا أنت، فأرنا نصرتك، أرنا نصرك، أرنا حمايتك لإخواننا المسلمين. يا رب طلبت منا الدعاء ووعدتنا بالإجابة. يا رب ها نحن ندعوك وننتظر إجابتك يا رب العالمين. مرة أخرى سيدي ورجائي، رحمتك وسعت كل شيء وأهل غزة شيء من ذلك الشيء. اللهم ارحمهم اليوم قبل الغد. اللهم ارحمهم اليوم قبل الغد. اللهم ارحمهم اليوم قبل الغد. يا رب من مات من الشهداء نساء وأطفال وشيوخ، يا رب تقبلهم في لائحة الشهداء. اللهم اجعلهم من الصديقين ومن الشهداء، وتقبلهم بقبول حسن عندك، وامنحهم الحياة الأبدية عندك. يا رب عائلات الشهداء اللهم صبرهم، اللهم ثبتهم، اللهم ارزقهم رحمتك. يا رب صل وسلم وبارك